Il était une fois un petit bonhomme haut comme trois pommes. Il n'avait pas de maison. Il habitait chez un voisin dans son grenier derrière le tuyau de poêle. Il n'avait pas de métier non plus. Tout ce qu'il faisait, c'était donner un coup de main par-ci et puis un coup de main par-là. Alors, en échange, on lui donnait un jour un morceau de pain, un autre jour de la soupe. De temps en temps, on lui donnait de la viande, mais ce n'était pas souvent. Tellement pas souvent que ce jour-là, dans mon histoire, le petit bonhomme haut comme trois pommes était en train de pleurer. Il pleurait sur sa vie, il se disait « C'est quand même pas une vie que ma vie. J'ai pas de maison, moi. J'ai pas de métier non plus. Je suis toujours dépendant des autres. » Il était là en train de pleurer dans son grenier quand tout à coup, un long museau noir et pointu est sorti d'un trou de souris juste derrière lui. Un long museau noir et pointu. C'était le diable. Seulement, en Russie, faut pas dire le diable parce que ça porte malheur. En Russie, il faut dire Antchoutka sans talon. Et Antchoutka sans talon, il a avancé son long museau noir et pointu et il a dit au petit bonhomme haut comme trois pommes. Dis donc, tu sais que moi j'ai pas le droit de rentrer dans les maisons. Alors tu vas aller me chercher de la cendre. C'est pour ma belle-mère qui est malade. Elle a mangé trop de souris, elle a mal au ventre. Le petit bonhomme, haut comme trois pommes, n'avait pas envie d'avoir d'ennui avec Antchoutka sans talon. Il est allé lui chercher de la cendre et il lui a donné en se disant « Qu'il s'en aille maintenant, j'ai assez de soucis moi. » Mais Antchoutka sans talon n'avait pas fini. Il a dit au petit bonhomme, haut comme trois pommes « Eh, dis donc, tu m'as rendu service. Si tu veux, moi, je te donne plein d'or et plein d'argent dans ton chapeau. » C'est intéressant, ça. Seulement, le petit bonhomme haut comme trois pommes, il a dit à Antchoutka sans talon. Qu'est-ce que j'en ferai de tes or et de tes argents? T'as vu comment je suis tout petit et puis pas costaud? Tout ce qu'il me faudrait à moi, c'est de la force. De la force? Lui a demandé Antchoutka sans talon. Y a pas plus facile. Va-t'en donc voir le roi des bêtes. Le petit bonhomme haut comme trois pommes s'est dit « J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. » Il a écouté les explications d'Antchoutka sans talon et il est passé à son tour par le trou de souris. Il s'est mis à ramper dans un couloir tout noir qui sentait la souris. Il s'en serait bien retourné chez lui, mais en même temps il se disait « Peut-être que tout au bout j'aurai de la force. » Alors ça lui donnait la force de continuer. Et puis, à un moment, le couloir tout noir s'est arrêté. Le petit bonhomme haut comme trois pommes est tombé dans un grand trou, un précipice qui lui semblait sans fin. Quand tout à coup, boum ! Il a regardé s'il n'avait rien cassé. Il était rendu en plein milieu de la terre. Et là, dans le milieu de la terre, il y avait une rivière noire qui passait. Et sur cette rivière, il y avait une barque. Alors, le petit bonhomme haut comme trois pommes est monté dans la barque. Et la barque, sans rame, sans voile, sans moteur, elle s'est mise à avancer toute seule. Seulement, dans l'eau de la rivière noire, il y avait des monstres pires que dans les pires cauchemars. Et puis au-dessus de la rivière noire, il y avait des oiseaux noirs qu'on ne connaît pas sur terre et qui poussaient des cris étranges et effrayants. Le petit bonhomme haut comme trois pommes, il s'en serait bien retourné chez lui. Mais en même temps, il se disait « Peut-être que tout au bout, j'aurai de la force. » Alors, ça lui a donné la force de continuer. « La barque s'est arrêtée. Le petit bonhomme haut comme trois pommes est sorti de la barque et s'est mis à marcher dans le ventre de la terre. Et là, il a vu une grande lumière. Il s'est avancé vers la grande lumière. Il y avait un arbre gigantesque et au pied de cet arbre, il y avait le roi des bêtes, assis sur sept fourrures de bêtes. Mais le roi des bêtes, il n'est pas fait comme nous. Il n'a pas un visage avec deux yeux, un nez et une bouche. Le roi des bêtes, il a un museau tout rouge avec des milliasses d'yeux qui lui permettent de voir dans tous les coins et les recoins. Et puis le roi des bêtes, il n'a pas des mains comme nous. À la place, il a des feuilles de bardane. C'est une plante qui pousse partout là-bas. Et puis ses pieds, au roi des bêtes, vous ne pouvez pas les voir puisqu'ils sont enracinés dans la terre. Et tout autour du roi des bêtes, il y a des bêtes. Il y a un animal de chaque espèce qui existe depuis la création du monde. Il y a une puce. Et à côté, il y a un diplodocus. Il y a un ver de terre. Et puis un dromadaire. Une poule. Un chat. Un chien. Un crapaud. Une punaise. Tous les animaux de la terre sont là, un par un, autour du roi des bêtes. Et lui, le petit bonhomme haut comme trois pommes, il est en train de marcher à travers toutes ses pattes de bête. Mais le roi des bêtes, il y a longtemps qu'il l'a vu arriver avec ses milliasses d'yeux. Seulement, il a attendu que le petit bonhomme haut comme trois pommes soit là, jusque devant lui. Et quand il a été rendu là, jusque devant lui, il lui a dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, petit bonhomme haut comme trois pommes ?»« Moi ?» C'est Antchoutka sans talon qui m'envoie. Je viens chercher de la force. De la force? Qu'est-ce que tu veux comme force? Toute la force ou la moitié de la force? Faudrait savoir. Moi, si j'avais déjà le quart de la moitié de la force, eh ben, je serais bien content. Bon, allez, grimpe dans ma panse. Et il a ouvert sa goule de roi des bêtes. Le petit bonhomme haut comme trois pommes, il est rentré dedans. Il a sauté de l'autre côté des dents, il a glissé sur la langue, il a traversé la gorge et il s'est rendu là, au fond du ventre du roi des bêtes. Et quand il a été rendu là, il s'est acagnardé au cordon ombilical du roi des bêtes et il s'est mis à téter. Il a tété comme ça pendant 4 jours et 4 nuits sans s'arrêter. C'est le roi des bêtes qui a été obligé de lui dire au bout de 4 jours et de 4 nuits. T'as eu ta suffisance à cette heure. Alors le petit bonhomme haut comme trois pommes a lâché le cordon ombilical du roi des bêtes et il est remonté. Il a retraversé le ventre et puis la gorge. Il a glissé sur la langue. Il a sauté de l'autre côté des dents et il est sorti de la goule du roi des bêtes. Le petit bonhomme haut comme trois pommes? Mais non. Quand il est sorti, il avait des épaules larges, mon vieux. Et puis, il avait attrapé de la barbe et de la moustache. Il n'avait plus sa petite voix de petit bonhomme haut comme trois pommes. Il avait une belle voix d'homme, comme ça. Comme tous les gars auront un jour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et quand il est sorti, le roi des bêtes a dit « Dis donc, tu ne vas pas rester là. Tu vas t'en retourner sur la terre. Écoute-moi bien. » À chaque fois que tu verras un animal, tu lui donneras mon bonjour à moi, le roi des bêtes. Et puis tu vas t'en retourner dans ton village, là-bas, en Russie. Alors le roi des bêtes a soufflé très fort pour appeler les 4 vents. Et en moins de temps qu'il me faut pour vous le dire, le bonhomme plus haut que trois pommes, il était rendu dans son village en Russie. Et là-bas, c'est comme chez nous. Le soir, les gens rentrent de leur travail et sur la route, il y avait 4 filles. Mais attention, des filles! Il y avait la Doumia, Vasilissa, Aquilina et Maria. Quand elles ont vu le petit bonhomme plus haut que trois pommes, elles ne l'ont pas reconnu. Il leur a dit. Alors les filles, vous me remettez pas? C'était moi qu'on traitait tout le temps de petit bonhomme haut comme trois pommes. Vous avez vu ce que je suis devenue? Le plus jeune fils au roi des bêtes, c'est moi. Eh bien, je vous dis que les quatre filles, elles n'en revenaient pas. Elles sont tombées toutes les quatre assises sur leur derrière. Elles le regardaient avec des yeux en se disant « Mais c'est pas Dieu possible! Avant, il était tout petit, il n'était pas costaud. Mon vieux qu'il est beau !» Alors lui, il n'a pas perdu son temps. Il les a regardées, les quatre, toutes les quatre. Maria, Doumia, Vasilissa, Aquilina. Il les a regardées, bien regardées. Il a choisi celle qui avait les joues les plus rondes et avec elle, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié. Alors vous, les gars, puis les filles, si vous vous trouvez trop petit, pas assez costaud, si vous voulez grandir très vite, si vous voulez de la barbe et de la moustache... Les gars, pas les filles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut aller en Russie et puis rendu là-bas. Il faut trouver le bon trou de souris. Vous venez d'écouter Le petit bonhomme haut comme trois pommes, un conte breton de Gigi Bigot, extrait du livre Bounou Misère et autres contes, édité chez Syros.